Entrez, c'est par ici. Installez-vous confortablement. Léna, Jack vous accueille dans le club VIP. Club VIP. Le club VIP, l'émission qui déchante la tête. Et oui, ça déjante la tête et c'est parti pour cette émission. Nous sommes aujourd'hui le mardi, c'est à 10 juillet me semble-t-il, si tout se passe bien dans le calendrier. Ça va Léna? Oui, ça va et toi? Oh oui, ça va bien. Et nous avons également Thomas dans les studios qui nous accompagne de façon sympathique. Ça va, un petit mot pour nos auditeurs? J'espère que vous avez la pêche et que vous êtes prêts pour cette super émission. Ah bah c'est sûr, après ça ils ont... et puis Léna, un sommaire pour cette première partie. Alors, nous allons commencer par le sondage du jour, suivi de la Summer Chronique. Donc aujourd'hui, c'est la pub qui débloque, suivi du journal de la rédaction. Ouais. Et ensuite, nous allons fêter le saint du jour. Mais faut pas dire, parce que c'est un secret. Ah ouais? Ouais, jusqu'à ce qu'on le révèle à l'antenne. D'accord. Chut, on dira rien alors. Et ensuite, on aura quoi dans cette belle émission? Bah, la météo des frimeurs qui clôturera la première partie de l'émission. Ça sera pas mal déjà, ouais. Mm. On monte au sommet avec Rupi featuring Daddy Yankee. Vous êtes sur Estival FM, sur le 107.4 et également la web radio. Donc, Station Millennium. Estival à Pérouse Kirek, au sommet de la bande FM. Sommet de la bande FM. 107.4. To all the ladies, ladies. Come on. Do it, whine, and when you're down.

hands up for Detroit, a lovely city. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up for Detroit. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up for Detroit. Le club VIP. À l'instant, c'était Fédé Legrand, Put Your Hands Up in the Air. Et nous retrouvons Léna. Léna, dis le titre pour les auditeurs sur le club VIP. Toi qui connais bien Fédé Legrand, t'es un petit peu une fan, on m'a dit. Non, non, mais moi je vais pas me ridiculiser, je te laisse tout ça, ça te va si bien. Donc, on trouvera des anglais d'ici peu pour les prononciations en anglais. Le VIP qui redémarre avec, vous le savez, un sondage. Chaque jour, on fait un sondage sur la plage. Et aujourd'hui, Léna est allée avec un micro pour sonder les personnes, des vacanciers ou alors tout simplement des résidents. Et quel est le sondage du jour? Parce que c'est vraiment la grande question que je me posais aujourd'hui. Alors, la question était, que représentent pour vous les vacances? Donc, on m'a répondu détente et relaxation en premier. Ouais. Ensuite, excursion et découverte. Ouais. Fête et drague. Et en dernier, sport et activité. Donc, en 1, c'était... détente et relaxation. D'accord. Donc, et toi, tu voterais pour lequel? Fête et drague. Bizarrement, je m'en doutais. C'est drôle, hein. Pour la suite de la musique, ça va être Passy. Le titre, c'est Électrique. On retrouve d'ici peu des invités, d'ailleurs, dans le studio qui vont venir à 11h. Un groupe qui va déménager au podium Jeune Talent. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends, we're gonna try to move your feet. I said the hip hop, you don't stop and pump it up. À l'époque c'était Smurf, Drake et Hop Rock. Dans les halls fat lacés, les chaînes en toc. Sur 23 bandes, ma bonne, mon 95, mon bloc. On écoutait Bamba, ta big daddy Ken, elle est Luton Lock. Les tags, les toys, les graphes et les flops. Soirée hip hop à la coupole, Sydney était au top. Animé par le jeune Cut Killa, Lionel D, Dynasty. Actual Force, Razorback, le break, le défi. 87, Styler, Modas, Tommy B. T.A.B, B-Boys, forme le Hammer, Posse. Fan de P.E, N.W.A, Ultramagnétique, M6. Après Johnny Go, on prend le micro et on crache nos vies. Bang bang, sur un truc de Boogie Down Production, les premières rimes sur le beat. Aujourd'hui le rap est nargant. C'est clash sale, c'est slam, c'est brut élégant. 50 Snoop ou Pharrell, on a pareil, on a nos clans. C'est l'espace-temps, tous les rappeurs veulent le cinquième élément. La gagne, le classique, shit, la classe eux, le shit. Mec éloquent depuis 20 ans, j'ai les putains de titres. Garde les gants, faut les bêtes de clips qui vont avec. 2007 est plus volant, électro-fier, arrogant. I say one for the trouble, ouais. Two for the time. Come on guys, let's rock that. Pilier dans ce rap français, fier car je viens d'en bas hip-hop. Ma vie, mes racines, Abdoulaye et Tanda. Sexy chocolate girl, come and work your body. Work your body. Show us what you got. It's an old school party. Let's go party. Yeah. Sexy foxy, come on, spot me, make it free. Move to the gangster boogie. Dans le futur qui sera, roi où ira, le move qui sera. MCMVP, street credibility. En tout cas, moi j'accélérerai toujours à l'appui du groove. Jusqu'à ce que le ciel s'ouvre, non que la mer s'ouvre. Après le crunk, tu auras quoi? Le brunk qui contrôlera le hip-hop, d'un gang de fils de punk. Est-ce qu'on dira toujours Zulu, Bounou, voyons nos styles chez nous? Est-ce que le boogie boogie aura toujours nos Gucci nous? Turn. estivale. Estivale. C'était Kenza, Farah Kenza d'ailleurs, pour les intimes, pour savoir son nom. Et le titre c'était Appelez-moi Kenza, vous l'avez entendu au moins 68 fois dans la chanson. La suite du programme c'est avec Léna et elle va nous annoncer la suite. La Summer Chronique, avec la pub qui débloque. Et c'est consacré aujourd'hui à une pub pour un parfum. Voilà. La pub débloque, Déodorant. Cet homme a le style impeccable, cheveux gominés, haleine fraîche. Il croit pouvoir aborder une femme en toute facilité. Ouais, salut poupée. Salut pauvre naze. Cet homme n'aurait pas dû négliger son déodorant. Max. Le déodorant, nouvelle formule pour choper un max de meuf. Avec sa toute nouvelle formule, constituée d'hormones de babouin en rut, maxi diluée à l'essence de supraconcentré de Viagra et complétée par un archiconcentré de sueur de Rocco Siffredi. Max. Pour choper un max. Attention, ne pas utiliser Max en période de chaleur, car ce déo attire aussi les animaux. Ah oui, il est fort pour la musique. Tu en as vu, t'en as rencontré des gens qui portaient du Max? C'est vrai, oui, j'en ai en face de moi, je crois. C'est Léna, c'est Jack, c'est Thomas également dans la folie du club VIP. 0622 69 18 19, c'est le numéro SMS. Avec Brick et je ne dirais pas fort toiture. Déjà t'as dit Brick. Club VIP. Vous êtes dans le club VIP, c'était Break for Love. Et nous enchaînons la suite du programme. C'est avec dans la joie et la bonne humeur que nous retrouvons Léna. Oui, qu'est-ce que nous retrouvons? Nous retrouvons quoi? On a retrouvé. Non, la Summer Chronique, on l'a fait. Ah oui, c'était la pub des blogs, c'était Max, j'en ai mis plein. L'info Summer News. Ouais, c'est ça, c'est les news. J'espère que vous aimez un peu être tenu au courant de ce qui se passe d'important. Et puis, il y a Thomas également qui va nous parler sport, puisque c'est un peu sa partie. Le journal d'Estival. Le journal d'Estival. Alors, au niveau des news, un garçon dont le nom de famille est L, H-E-2-L, ce qui veut dire en enfer, s'est vu refuser son inscription dans une école catholique australienne de Melbourne au prétexte que son nom allait poser problème lors de ses enseignements religieux. Ça se passe en Australie, donc il a pas pu aller à l'école. Le Suisse Louis Palmer projette d'accomplir un tour du monde de plus de 50 000 km au volant d'une voiture alimentée exclusivement par l'énergie solaire. Il ne peut rouler plus de 100 km par jour grâce aux panneaux solaires d'une surface totale de 6 mètres carrés. Imagine la voiture. Au niveau des programmes estivales Capparmort, Thomas, que se passe-t-il aujourd'hui? Alors aujourd'hui, mardi 10 juillet, ça commence par l'équitation de 9h à 10h. Ensuite, l'après-midi, fabrication d'un semainier de 15h à 17h. Il y a aussi l'initiation au volley à Trestraou de 14 à 15, suivi du tournoi de volley de 15 à 17. Et à Tresrignel, initiation ultimate de 14 à 15, pareil. Et le tournoi qui suit après de 15 à 17. Il y a aussi destination bien-être. Aujourd'hui, c'est à Tresrignel et c'est pour détresse. Donc voilà. Et ensuite, pour la soirée, découverte catamaran de 17h à 19h. Suivi de l'initiation badminton de 18h à 20h à Carabram et le tournoi de 20h à 23h. Eh ben c'est pas mal. Et demain? Ah et demain? Ah bah Léna, si tu... Léna, fais demain pour voir, tiens. Parce que demain, les auditeurs qui nous écouteraient par hasard en soirée aimeraient bien savoir ce qu'ils peuvent faire au niveau des activités sportives, je le sais. Alors demain, mercredi, vous avez de l'acrobranche de 14h30 à 17h. Et ensuite du basket, donc venez vous initier de 14h à 15h et vous avez un tournoi de 15h à 17h à Kerabram. Bon, bah tu vois, c'est... je le dis bien. Excellent. Et dans la soirée, il y a du golf, du handball. Peter. Ouais, du golf de 17h à 18h30 et du handball de 18h à 20h et 20h à 23h pour le tournoi. Bon, bah super. Estival. Estival. Et pour la musique, il s'agit de Robbie Williams avec Millennium. The day that we were born, got some slow downs, cause we're low down. Run around in circles, live a life of solitude, till we find ourselves a partner, someone to relate to. Then we'll slow down, before we fall. We got stars. Dose of Christmas and give it up for Lent. My friends are all so cynical, we refuse to keep the faith. We all enjoy the madness, cause we know we're gonna fade away. We got stars directing our fate. Come here.

I should've been right there. How do I breathe without you here by my side? How will I see when your love brought me to the light? Where do I go when your heart's where I lay my head? When you're not with me, how do I breathe? How do I breathe? Girl, I'm losing my mind. Yes, I made a mistake. I thought that you would be mine. Yes, the joke was on me. I miss you so bad, I can't sleep. I wish I knew where you could be. Another dude is replacing me. God, this can't be happening. I just had a wake up call, wishing that I never let you fall. Baby, you were not to blame at all. When I'm the one that pushed you away, baby, if you knew I cared, you would never win nowhere. Nowhere. Girl, I should've been right there. And I wonder, how do I breathe without you here by my side? How will I see? C'était Mario, How Do I Breathe sur l'antenne d'Estival FM, c'est le 107.4. Vous pouvez à tout moment réagir sur l'émission en nous balançant, si je puis me permettre l'expression, un petit texto au 0622 69 18 19. Et puis ce numéro, évidemment, il va vous permettre de gagner le super magot, les 12 x 4 huîtres. Donc ça fait 48 huîtres à gagner d'ici peu sur l'antenne. On va jouer au Sun Game. Léna, on retrouve là tout de suite le Saint du jour. Tu es là, Léna? Oui, oui, je suis là, j'attends le jingle. Non, je cherchais ton micro. Voilà, Saint du jour, un saint à l'honneur. Alors aujourd'hui, on va souhaiter la fête à Ameline, Emmanuel et Ulrich. Donc bonne fête à tout le monde. Bonne fête, justement, quand même, si c'est pas tous les jours la fête de Ulrich. Ah, Ulrich, si tu nous écoutes, envoie-nous ton texto quand même. Y a qui tu dis, répète, parce que j'ai pas entendu bien les trois. Ameline, Emmanuel et Ulrich. Donc Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous, et Ulrich, ça veut dire puissance. Et comme vous connaissez le principe de l'émission, on va faire un canular en direct, peut-être à un Ulrich, peut-être à une Ameline, ou peut-être à une Emmanuel. On verra. On se réserve évidemment le droit. Dans le studio, nous avons également, ils sont là, le groupe. Alors, attention quand même, ils sont là. Donc, Léna, un tonnerre d'applaudissements tous, parce que dans le studio, il y a un public quand même. Ouais. Bah oui, voilà, le public est là. Et moi, je ne veux pas faire parler en creux mineurs sans que le public s'est manifesté. Donc, ai-je un représentant officiel? Y a-t-il un représentant déjà dans le groupe en creux mineurs? Quelqu'un qui va un peu parler. Il y a toujours un représentant dans un groupe, ça c'est important. Oui, le rouge, il y a le micro rouge, hein, c'est du direct hein, pour les auditeurs qui suivent. Là, ouais, complètement, ouais. Ah bah c'est du vrai direct. C'est comme à la maison ici. Ok, d'accord. Alors, Encre Mineur, c'est un groupe qui date de quand à peu près? Oh là là, ça date d'à peu près 7 ans. Ah, oui. Mais en fait, si tu veux, comment dire, là on a moi et mon frère. On est le groupe Encre Mineur, Renzo Chalka. Donc on fait une petite présentation rapidement. Ouais. Ouais, parce que là dans le studio on est arrivé à 4. Ouais. Je suis désolé, on a ramené tout le monde. Mais c'est bien, c'est ce qu'il faut. Hein. C'est pour ça qu'on a le public aujourd'hui. Ah si. Bah là tu vois, Denis vient, Chalka. Donc là lui. Ouais, bon, on a ouais. du micro partout. Ici oui. c'est Chalka, ouais. Ça va ? En mineur, quoi. D'accord, donc vous êtes frères. Hein, voilà, on est frères. D'accord. Et ça fait 7 ans qu'on travaille sur le groupe, sur le même projet, parce qu'on a la même ambiance. Ouais. Ouais. Comme on est brésilien, alors on essaie de faire passer notre côté c'est brésilien sur vrai. Le son. Si. Ah, et comme ça, on ambiance avec ça. Et du coup, vous passez à un petit style. Quel est le style d'ailleurs d'Encre Mineure ? Alors, le style, si tu veux, ça va être. Enfin, c'est pas un style, ça va être plutôt notre concept. C'est que nous, on fait du rap pour le plaisir. Ouais. Et on fait du rap conscient, c'est-à-dire qu'on n'est pas là à dire tout le temps ouais, foutez le bordel, tout ça. Non, non, c'est pas nous. Nous, c'est sur nos mélodies à nous. On essaye d'ambiancer ça. On raconte des histoires, quoi. Nos histoires. Nos points de vue sur la vision du monde et tout ça. Uh-huh. Mais toujours à le faire calmement et avec des paroles justes. D'accord. En respect avec la tradition brésilienne. Oh. Bah, respect. Oh. Tradition brésilienne. Non, mais c'est la solicite. Comment on dit en brésilien, il y a un terme pour la cool attitude. Non, il n'y a pas un terme comme ça. Je sais pas, lui. Est-ce que vous parlez brésilien? C'est... Ouais, Havaianas. Cool attitude. Vous êtes d'origine brésilienne? Ouais, ouais, on est né au Brésil, tout ça. Non, vous parlez brésilien un peu? Non, on a pas je parle brésilien, je parle portugais un petit peu, ouais. D'accord, c'est qui votre artiste préféré au Brésil? Moi, c'est une capverdienne, c'est Cesaria Evora. Ah ouais, ouais, bien sûr. Ah, c'est très bon ça. Et les Raul Gilberto, les João Gilberto. Ouais, tout ça. Ouais, bah, c'est sympa, c'est festif. Ouais. La bossa nova, il y a un petit côté. On le retrouve dans Encre Mineure un peu par certains côtés. Tu parlais de mélodie, peut-être que. Non, on va pas. On ne prend pas trop de rythmique brésilienne, si tu veux. Ça va plutôt être dans l'attitude. Dans notre attitude vis-à-vis de la musique et comment on l'exprime et tout ça. D'accord. On finit quand même parce qu'on est impoli et il y a d'autres membres dans le groupe, hein, il faut voilà, le dire, il faut là, le savoir. Encre Mineure, donc, il y a toi, ton frère et il y a également. Non, alors là en fait c'est Dipita. Ouais, c'est Dipita, moi c'est Dipita. Donc tu Enchanté. Fais quoi dans le groupe, bonjour. Bah moi c'est pas Encre Mineure parce qu'Encre Mineure c'est un groupe qui fait partie du collectif. Ah, il y a un collectif, d'accord. Ouais, le collectif c'est Prosélyte en fait, donc Encre Mineure c'est un des groupes en fait du collectif. Mm-hmm. Et moi je suis partie du collectif Prosélyte aussi et moi c'est. Je m'occupe de tout ce qui est chansons, R&B, soul, tout ça quoi. D'accord. Donc voilà. R&B, tu es plus dans la musique, on va dire, quelque part. Ouais, c'est pareil. On va travailler sur des instruments, enfin sur instrumental, ou on essaie de trouver des musiciens, des trucs comme ça quoi. D'accord. Donc, moi je suis plus tout ce qui est chant et tout ça. Ah, lyrique. Ouais, exactement. Il reste à côté de toi un personnage du groupe également, Encre Mineure ou alors du collectif? Ah, collectif. Ouais, collectif. Cool, collectif. Moi d'accord. En fait c'est Lee Clay, en fait, c'est en hommage à Bruce Lee et Cassius Clay. Donc en fait moi je suis le beatmaker principal, c'est-à-dire que je suis le compositeur. Ouais. Donc voilà, je suis un peu l'homme qui fait tout, je fais enregistrer tout le monde, je mixe, je fais les prods, je rappe de mon côté avec Yaka, donc on a un groupe Lee Clay et Yaka. Et donc voilà, moi plein de projets, récemment j'ai remporté un concours, le concours Opération Soprano. Là je m'apprête à partir avec Dipita, on part à New York pour la musique et prendre un peu de vacances. Chanceux. Ah ça voilà, c'est sympa. Ah, mais non, mais tu vois. Faut savoir combiner les deux. Hein, voilà en fait, moi c'est moi l'homme d'affaires, c'est moi qui voyage. Ça ouais, il va chercher une élite. Il travaille, mais moi je prends tout l'argent. Vous cherchez pas un manager éventuellement? Non, on a déjà en fait là et on est en pourparler. Si j'ai bien compris, c'est plutôt toi, hein, c'est toi qui gères les horaires et tout ça, ça doit être galère sur un collectif comme ça. Non, ça va, c'est j'ai un coup de main de justement de Renzo d'Encre Mineure quoi. Et ça va, on s'accorde tous, on s'entraide quoi pour avancer plus vite. D'accord. En tout cas, on va vous retrouver pour la suite du programme. Vous allez rester nous faire des petites compos en live, hein, je vous l'ai demandé. Vous avez participé également à nos chroniques. Hein et je vous demanderai de faire des lancements en live, jingle en live. Ça, c'est important dans live. Ah oui, vous le saviez pas. Ah non, mais nous, on n'était pas bon. Et tu parlais de Nelly Furtado qui est peut-être à New York, que vous allez retrouver. Say it right sur l'antenne. Say it all, even got it. Oh. VIP. À l'instant, c'était Nelly Furtado avec le titre Say Track. On va donc attaquer avec le canular du jour. Je rappelle également que le groupe, le groupe Encre Mineure est également là avec le collectif. Alors là, ça monte, hein, l'ambiance, vous l'avez entendu. Et ils sont au taquet, ils vont nous faire des impros, ça va déménager sur l'antenne. Bon, on va se concentrer pour le canular, je vais récupérer la ligne téléphonique. Et donc aujourd'hui c'est la Sainte-Ulrich également. Ulrich. Nous allons appeler une parfumerie qui s'appelle Ulrich. On va voir, on va leur faire un petit canular vraiment en direct live. Là j'ai... Ouais. Non attribué. Oui d'accord, merci. Hop, on va lancer la ligne. Tac, c'est du direct, je le rappelle aux auditeurs, voilà, la ligne est bonne. Donc tu vas essayer d'acheter un parfum. Voilà. D'accord, donc tu t'appelles Alex Goffer. Bonjour. Oui, bonjour mademoiselle. Je m'appelle Alex Goffer et je suis actuellement sur la capitale. Pour la projection d'un film qui est destiné à un public d'adolescentes. Mmh. Et à cette occasion, je m'exprimerai sur une des plus grandes salles de cinéma de la capitale. Et je cherchais un parfum qui soit un petit peu dans les couleurs du film que nous projetons. Ouais. Est-ce que vous auriez un parfum qui puisse montrer une certaine virilité ? Déjà, il faudrait voir au niveau du partenariat comment ça pourrait être possible. Bien sûr. Je vais essayer de vous passer le service marketing. Exactement, oui, tout et à fait. Et vous donc, monsieur... Alex de Goffer. Alex de... De Goffer. Goffer. De Goffer. Ne quittez pas. Très bien. Nous allons au service marketing. Visiblement, c'est une grande parfumerie. Hein. Vache. Ouais, t'as vu ça? La classe, hein. Prends un Chanel numéro 14 alors. Bah, je sais pas, j'ai un petit peu peur. C'est quoi le nom du film? Écoutez, la personne n'est pas dans son bureau, est-ce que vous pourriez la rappeler d'ici minutes? D'ici 10 minutes? D'ici 10 minutes, ça pourra le faire? Si elle est en rendez-vous ou pas. Oui, très bien. Vous demandez madame Bajange. Bajange, d'accord. Très bien. Merci. Donc dans 10 minutes, vous dites? Je peux pas vous dire exactement, je sais pas si elle est en rendez-vous ou si elle s'est absentée un moment. D'accord, mais il y a... A priori, ce genre de choses se fait. Ça pourrait, peut-être. C'est pas moi qui parle. Et juste à vue de nez, en me permettant ce petit jeu de mots. Mais vous avez des idées de parfums, vous-même? Nous avons quoi? Des idées de parfums. En ce moment, un parfum phare. Ah bah oui, on en a plusieurs. Ouais, d'accord. Attendez, je vais essayer de vous la passer, je crois qu'elle est... Ah, d'accord. N'hésitez pas. D'accord. Bon. La personne est revenue, visiblement. Un parfum phare, c'est normal, on a un peu rose. Ah oui. Le phare de Ploumanac. Bon, c'est pas de chance, elle est déjà en ligne. Mais vraiment, décidément, oui. C'est malade. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rappeler. D'accord. Et mon avec staff, elle. Au pire, si j'ai pas le temps, mon staff prendra les indications, d'accord? D'accord, merci. Vous êtes bien aimable, bien urbaine. Au revoir. Tac. Bien urbaine, ça veut dire quoi, ça? Il faut savoir que dans cette émission, nous plaçons de temps en temps des nouveaux mots de la langue française. Ah, urbaine. Vous êtes très urbaine, vous savez. Voilà. Ça veut dire un peu, vous êtes poli, mais tout en ayant un style un peu actuel, urbain, comme on dit. Ah, d'accord. Nous sommes avec Encre Mineure et le collectif. Et il faut vous rappeler très vite, les gars, parce qu'à chaque fois, il faut vous dire que les auditeurs, des fois, reprennent en cours de route. Il y a dans ce collectif... Ok, il y a Renzo, il y a Chalka, il y a Dipita et il y a les clés. Dans le collectif, il y a Yaka aussi. Il y a Yaka et Geno qui sont pas là. Donc, mais c'est parce que. Vous êtes combien dans tout le collectif? On est 6. On six. Est 6 à. D'accord. À travailler. Et Encre Mineure, c'est 2. Encre Mineure, c'est 2. C'est Renzo et Chalka. D'accord. Chalka, vas-y, dis quelque chose. Je suis là. Ouais, il est là, mais il fait acte de présence. Mais... Chalka, j'ai te posé une question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique comme ça? Et d'écrire des paroles, puisque c'est toi qui t'y colle dans cet exercice? Bah, à vrai dire, j'ai commencé à faire du son, c'était plus un trip en fait avec des potes. Ouais. Et au fur et à mesure, bah, on commençait à bien se perfectionner, tout ça. Du coup, on a continué. Et maintenant, c'est le kiff quoi. Mm-hmm. Donc, c'est au départ pour s'amuser, puis après, tu t'es un peu piqué au jeu, comme on dit. Voilà. Ah, d'accord. Et Et moi, pour toi, oui, tout à fait. Bah, en fait, c'est pareil. C'est un été, voilà, posé. On écoute un son et y a eu le déclic. Le déclic, et, ouais. Voilà, puis avec des potes, on s'est mis à rapper. Au départ, ça commence toujours genre dans le cave ou le grenier. Là, c'était dans un grenier avec des potes. Et puis ça a évolué. J'ai rencontré les clés. Et puis voilà, ça a été le bon départ avec lui. Et après, on a travaillé ensemble. Et puis Dipita, toute l'équipe a commencé à se connaître entre nous, quoi. Mais on travaillait pas ensemble au départ. Puis moi, bon, bah, mon petit frère qui lui a commencé plus tard que moi, bah, on a décidé de faire un truc ensemble. L'histoire, bah, surtout en crew mineur, c'était pour la famille qui reste au Brésil et tout ça. On voulait leur montrer ce qu'on fait. Et voilà, tout c'est parti, quoi. Après, bon, bah, Prosélyte, c'est né un petit peu plus tard. Bah, maintenant, on fait du bon travail ensemble et nickel, quoi. Et on va vous entendre vous retrouver à l'œuvre après Shakira et Beyoncé. Hein. Sympa de passer après Shakira et Beyoncé. Ils vont venir dans le studio. Beautiful Liar, c'est le titre. Et en retrouvant Creux Mineur, on retrouve la suite. Léna également pour la météo. C'est important de savoir le temps qu'il va faire. Hein. Excellente écoute, c'est Estival FM. C'est également sur Station Millennium, www.station-millennium.com. One desire. Yo sé cosas que tú nunca quieras saber. Kiss me, it's one and only. It's beautiful liar. Como tú toleras esto sabiendo todo lo que sé. No sé. Why are we the ones who suffer? Ahora dime. He won't be the one to cry. Let's not kill the drama. And you know we up front. I see you whining and grinding up on the floor. I know you see me looking at you, and you already know I wanna love you. You already know I wanna love you. You already know, girl. Money in the air, as

Ok. Ouah ouah. Rock mineur. Dipita, les clés. Ah. Ah ah. Ma plume et ce pinceau qui retranscrit ce que je vois et ce que je vis dans mon cœur. Tu vois le tableau vert, jaune, gris sur ma tête, boîte à l'eau. Pourtant vrai est ce que je dis, toc je prends parti. C'est que l'encre mineur gagne la partie. J'avance sans détour, toujours les mêmes gens autour de moi. Si je les représente plus un jour, c'est que j'aurais perdu la foi en moi. Et ce qui en fait moi ce que je suis, avec pas de place pour l'on dit, pas de place pour les faux amis signés de mon flow. Preuve que je laisse des traces. C'est comme ça que je grandis, j'essaie de garder ma place. Dans ce monde sans mal de haine, par centaines j'égrène les peines. Demande-toi où est le problème, comprends ce que ce texte enseigne. Des joies et des craintes, c'est ce que ma plume dessine. Sur un chemin boueux que l'ombre de ce tableau désigne. Alors je fais sortir les couleurs, ma mine dessine. Qui parle d'elle-même sans vouloir des cimes. J'aurais pu dire, Chalka et Renzo déchire. Pourtant je parle avec le cœur sans penser à l'avenir. À toi de me le dire, car je passerai pas aux aveux. Mais je crois que le pire serait que tu comprennes pas les sages. Mais sache que même si je suis de passage, je viens sans bagage. Mon mic pour seul attache. La chaleur que je dégage sera le seul héritage. Car de ce tableau se dégage le Brésil comme paysage. Je peins quand j'écris, je remplis quand c'est vide. J'écris quand je pince, qui fait battre nos vies. Mon cœur le pinceau. Mon cœur le pinceau. Mon cœur ce pinceau. Mon cœur ce pinceau. Je ferai de la lumière, une flamme enchanteresse. Quand l'ombre est ce qui occupe la naisse. Mon cœur le pinceau. Mon cœur le pinceau. Mon cœur ce pinceau. Mon cœur ce pinceau. Je peins quand je décris. Je remplis quand j'évite. J'écris quand je pince, qui fait battre nos vies. Mon cœur le pinceau. Mon cœur le pinceau, ouais. Mon cœur se pinceau. Mon cœur se pinceau. Mon cœur se perd fort si je parle encore peu. Mais autant que je respire, je respecte quand tu respectes. Mon cœur un pinceau, je suis une sorte de maître. Donc vois la couleur de mes mots, la mimique de mes mains, la maturité de ce texte. Un moment de mêlée, là où les marmots se moquent, moi je m'élève. Je mêle, marque et mélange, mais pensée claire et forte. Joins mes mots de Chalka, je veux de la performance. Je suis la perforant. Mon cœur c'est pinceau, d'où la maturité que ce texte. Tant que c'est pas de l'intox, ici c'est fort nox. Ou à la mot, ou à la pointe de mon stylo. Bleu, vert, jaune, ici c'est moi et mon drapeau. Et sa dote des mots, Brasilia et son halo. À la chaleur de ce nom, tu te sens rappé. Moi je suis là, OP. Mon son tel un opéra, verra qui plaira. Je suis là, peura, mon flow l'équipera. Puis c'est ce qui sera. Mon cœur c'est pinceau. Mon cœur c'est pinceau. Mon cœur c'est pinceau. Mon cœur se pinceau, yeah. Je peins quand je décris, je remplis quand c'est vide. J'écris quand je pince, qui fait battre nos vies. Mon cœur le pinceau. Mon cœur le pinceau, ouais. Féroce, mon cœur se pinceau. Mon cœur se pinceau. Radio Tibat, je fais de la lumière, une flamme enchantresse. Quand l'ombre est ce qui occulte la naisse. Mon cœur le pinceau. Mon cœur le pinceau. Roserita, mon cœur se pinceau. Mon cœur se pinceau. Je peins quand j'écris. Je remplis quand c'est vide, j'écris quand je pince, qui fait battre nos vies. Mon cœur le pinceau. Mon cœur le pinceau. Les clés yaka, hein. Mon cœur ce pinceau. Tu fais ça, ouais. Je ferai de la lumière, une flamme enchanteresse. Quand l'ombre est ce qui occupe la naisse. Mon cœur le pinceau. Mon cœur le pinceau. Pour Gino, ouais. Mon cœur ce pinceau. Ok, hein. Peureuse, c'est encre mineur. Mon cœur le pinceau. Avec les clés. Encre mineur. Renzo Chalka. Renzo Chalka. En direct. Eh ben ça le fait messieurs. Vous venez d'entendre Encre mineure donc et sur une instru Mon cœur ce pinceau. Puis c'est dans la. Vous avez plus ou moins un album si vous gagnez le podium jeune talent. Vous savez que vous enregistrez la maquette. Ouais, si. Et ça sera de toute façon même que vous gagnez ou pas, l'important c'est quand même de d'être sur la scène, ouais, voilà. Et je pense en entendant ça que de toute façon tôt ou tard l'album un peu officiel, est-ce qu'il y en a un qui est sorti de façon non officielle ou En fait nous bah moi avec avec Kaka en fait on a sorti en mars 2006 un mini album quoi. Et donc là on prépare nous de notre côté on prépare deux albums qui vont être en sortie en octobre 2007 et en février 2007 avec des invités un peu prestigieux du rap quoi. Par exemple on essaie de garder les noms mais en tout cas il y aura Soprano, La Suija, il y aura Boucher Double, il y aura Il y aura peut-être This Is La Peste, il y aura du beau monde en fait. Donc, ah oui, là vous montez direct dans la cour des... On essaye de tirer un peu la région vers le haut. Et aussi autrement, pour Encre Mineur, ils préparent leur album. Ouais, on est Encre Mineur, donc on prépare notre album pour la fin de l'année là. Donc on travaille sur les projets. En même temps, c'est vrai que moi de mon côté, Renzo, je cumule pas mal de projets. Et en plus de l'album d'Encre Mineur, moi je travaille sur mon album à moi. Et tu fais un album solo? Ouais, je travaille sur un album solo. Parce que moi j'ai envie d'aller pas plus vite, mais j'ai envie aussi de faire mon truc. Et j'ai mon esprit à moi. Et c'est vrai qu'avec Encre Mineur, on s'accorde bien. Mais moi je veux aller plus loin. Et donc je travaille sur mes projets. Et ça avance bien. Et pareil pour la fin de l'année, je vais pas dire pour la rentrée, mais pour la rentrée, il y aura déjà beaucoup les trois quarts de fait. Ouais. Et après, après pour la fin de l'année, pareil. Donc c'est vrai que au niveau du collectif, là, on va avoir ça bouge et on va avoir des grosses sorties qui se préparent dans tous les sens. Ah, mais c'est vrai qu'on a reçu beaucoup d'invités, mais là, on sent qu'il y a quelque chose. On sent que c'est... Non, mais voilà. Je peux le dire aux auditeurs en aparté. Je pense, retenez bien ce nom, Encre Mineur et Prosélyte, le collectif. Vous les retrouverez très certainement au sommet. Nous, on est là, c'est clair. On est là, on va manger, tu vois. Et on va vous retrouver pour un dernier live. Ouais. Et la suite. Ah, petite surprise quand même, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait deux Brésiliens d'origine. Ouais. Un petit Gilberto Gil. Vous connaissez ce titre, Todo? Alors toi, tu vas le prononcer mieux que moi, Todo Bailana. Est-ce que tu peux venir ici le prononcer au micro? Vas-y. De folie, ça. On a besoin d'un traducteur. Todo Bailana. Enfin, vas-y, dis-le-moi une fois. Quoique... Je crois que nous avons une Brésilienne qui est intégrée dans la chanson, tu vois. Elle va le faire... Non, tu connais pas le titre. Si, vas-y. Toda menina baiana. Toda menina baiana. Bah, on l'écoute sur Estival. Estival FM numéro 1 sur la plage sur le Brésil. Sobre la praia et sobre le Brésil. Estival FM. Estival FM. Toda menina baiana tem santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem jeito. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Que Deus dê. Que Deus dá. Deus entendeu de dar a primazia. O bem com a primeira mão na Bahia. Primeira missa, primeiro índio a bater. Também Deus dê. Deus entendeu de dar toda a magia. Do bem pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também Deus dê. Que Deus é, oh, que Deus é, oh, VIP. Club VIP, un numéro SMS 0622 69 18 19. Je vous demande vraiment, les auditeurs, de bien retenir ce numéro SMS 0622 69 18 19. C'est pas pour nous faire gagner de l'argent parce que les textos sont non surtaxés. Non, c'est pour vous faire gagner les 4 fameuses douzaines d'huîtres. Ah oui, si vous voulez vous régaler, si vous aimez les huîtres, les fruits de mer, eh bien ça tombe sur l'antenne. Ça va être le Sun Game. Donc 0622 69 18 19. On a fait vraiment des chanceux hier. On en a donné plus qu'il n'en fallait. On a fait partir la centaine d'huîtres. Et aujourd'hui, on va remettre le couvert. Hein, et puis on vous offre donc ces crustacés. Sur Estival, c'est bien normal. Pour l'heure, on va retrouver la Summer Chronique qui est consacrée aux Dance Machine du jour, car chaque jour, nous avons des artistes qu'on aime bien reprendre des années 90, qu'on fait les beaux jours de certaines compilations. Voici le Dance Machine du jour. Le Dance Machine du jour. Le Dance Machine du jour. Alors, qui retrouve-t-on dans ce Dance Machine du jour? Un artiste oublié maintenant, peut-être? Oui. Donc aujourd'hui, on va retrouver Gigi D'Agostino. Donc, c'est un DJ italien né en 1968. Donc au départ, il voulait être danseur étoile. D'accord, donc, c'est original. Mais sa vocation va se terminer très vite parce qu'il va commencer à mixer dans sa chambre à 17 ans. D'accord. Et puis il va bosser dans des clubs super branchés et sortir son premier album en 96. 96 ? Voilà. Donc c'est au moment où le public le connaît en fait. Voilà. Et c'est tout. C'est tout. Ça sera tout pour et aujourd'hui. Et depuis, on l'en entend plus trop en parler. En 2001, ou... il a refait un deuxième album et puis depuis, il est mort. Non, je rigole. Ah là là, arrête, c'est pas ça, parce qu'après, on va avoir des problèmes s'il reste des fans. Non, non, non, il est non, pas non. mort. Il s'est juste. Il faut dire qu'il est en réflexion artistique. Gigi D'Agostino, blablabla, retour dans les années 96. D'Agostino, blabla, qui est tout droit sorti des années 96 et que Léna nous a présenté d'une voix de maître. C'est le 107.4 et on retourne dans les années 2007 puisque nous retrouvons le collectif Plein d'Avenir Prosélyte et le groupe. Et ils sont dans les studios et c'est pas les derniers à mettre l'ambiance. Bien sûr. On rappelle très vite les protagonistes du groupe collectif. Il y a dans le Chalka, studio. Ici, Chalka. Chaka. Il y a Chalka, Renzo, Dipita et moi-même Liclé. Et on va les retrouver pour la suite, ça va être un live. Club VIP. Et oui, parce qu'on aime bien ça, le live. C'est du direct, c'est la radio, c'est ça la magie de la radio. Et vous nous réservez quoi là? Alors, quelle est la couleur de ce que les auditeurs vont entendre en live? Ça va être pour moi là, c'est Dipita là, donc le chanteur R&B. Ouais. Donc là, ça va être une petite chanson posée tranquillement, tout ce qui est groove, sensualité, tout ce qui se mixe là-dedans, vous voyez. Donc voilà, donc avec mon pote Liclay qui me booste derrière pour le live, tranquillement. Et après, un petit freestyle d'encre mineur encore avec Liclay, improvisation sur une prod. Total direct. Total direct. Ces garçons sont fous. On est là pour Estival. Allez, bah c'est du live, ça on adore. C'est parti. Yeah, bébé. Estival. Diputa, prosélyte. Il est temps, ouais. Ok. Prosélyte, Dipita. Écoute ça. On a grandi. Grandi. On a saisi. Saisi. Le sens de nos envies. Mais bébé, juste nous deux. Juste pour le mieux. Pour le mieux. En amoureux. On a tout fait. On a pris le temps de s'aimer et de se connaître. Sans jamais presser les choses. On a pris sur nous, on a résisté à la nature de nos êtres. Maintenant faudrait peut-être qu'on ose. On se transcende, on doit se rendre à l'évidence qu'on ne peut plus attendre. Mais bébé, on se consumera si l'on n'assume pas le fait qu'on soit enfin prêt. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ok, te sens-tu prête à me suivre? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Car tu sais que ton amour m'enivre. Apprenons à nous exprimer comme l'on s'aime. Comme l'on s'aime. Découvrons tout en approchant du but. Qu'on n'en puisse plus, qu'on se suffise à nous-mêmes. Apprenons à le faire comme des adultes. Si tu hésites, alors j'hésite. Car on évolue sur la même musique. Le même beat, les mêmes rimes qui font qu'on cale nos cœurs sur le même rythme. 1, 2 et 3. Se partager le même karma. 4, 5 et 6. Allons cueillir le fruit de nos vices. On a tout fait, on a pris le temps de s'aimer et de se connaître. Sans jamais bousculer les choses. On a pris sur nous, on a résisté à la nature de nos êtres. Maintenant, cherchons le smart. Apprenons à nous exprimer comme l'on s'aime. Découvrons tout en approchant du but. Qu'on n'en puisse plus, qu'on se suffise à nous-mêmes. Découvrons le verre comme des arts. Festival, yeah. Ladies, Mister Chalka, c'est Chalka. Ok, vas-y. Pour un pro. Vas-y. Style tortue, sais que le torpille nos âmes, même les ordures torpille nos vies dès le premier grade. Mais tout ça je m'en passerai, pas un moment je douterai. Je sais pas de quoi demain fait, mais à chaque épreuve je renais, je remets ma vie entre les mains des miens, je refais le monde sans pour autant pis les tiens. Si l'argent tente, c'est pas la main que j'irai tant, je ferai mes affaires. Mais ce qui est clair, c'est que je serai pas entendre comment me défendre. Ceux qui font les one veulent ni voir ni entendre, pourquoi les attendre? Ils n'ont rien à m'apprendre, il faut des sauts, sauter mon son. Sinon comment avancer pour assurer mes arrières, mes dards, sauter les barrières. J'ai des rêves de grandeur, mes chaises qui restent à ma portée. Mon drapeau j'en suis fier, bleu, blanc, rouge, jaune, vert. Ce qui est sûr c'est, je veux voir ton cerveau penser, puis penser les plaies de terre pour faire des choses sans. Yeah, Estival Radio, on part dans les starting blocks. On est toujours là, 107.4, on arrive. Défoncer les blocs, défoncer les charts. On arrive des nouveaux styles, des guerriers Maasai. Ok, je pourrais pas manquer de mental, ni de morale, et surtout pas d'un cerveau sans pare-balles dans ce carnaval. Balle en rafale aux neurones, ressorti à l'autopsie, morné par la faiblesse de zone en suicide. Lucide, y'a pas plus que Lucifer tenant son acide. Qui tu crois contrôler, qui te tient en joue sur la lead? T'es pas moi, non, j'suis pas toi, non, j'ai la foi. Mais toi, t'as quoi? Estival Radio, on est là, prosélyte, on est toujours les frais qui sont là. Yeah, Renzo, tu dis quoi? Vas-y, je te laisse le mic maintenant à toi. Eh mec, on arrive, forêt fière, foutre en l'air, fond et fort, niqué. Toutes vos vies monochrone, ok. Forêt fière, tu sais, c'est sur le son. Prosélyte est là et on fout le boxon. Ici, c'est Renzo au mic pour encre mineur. On fait rien de mal, on est là, on marque les annales. Dire qu'on est toujours les plus forts, qu'on est les plus fiers. Et qu'on arrive, foutre des portes en l'air. Ok, ah dis putain, arrivé sur le beat. Dis-moi comment tu kiffes la musique. Ok, je pars en peur, à toi-même tu croyais que je faisais du R&B. Mais mec, tu sais pas qu'on fait du rap ici, l'ami, ok. Qu'est-ce qui se passe? Le son a trop de classe. Forcément, dis putain, arrive, ça passe ou ça casse. Vas-y, stop, arrête, c'est pas du son pour les midinettes. Mais continue de tremper, dans la FZT meuf. Ok, je vais prendre mes pépettes, j'apporte du son neuf. Resserrer les casquettes de tous MC qui vendent leur stuff. Pas ici pour faire crari, toi-même tu sais qui c'est. C'est Prosélyte qui vient kicker le beat sur la musique, yeah. Prends le mic pour faire un tour. Attends, quand tu prends le mic, Chaka, quand tu prends le mic, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, qu'est-ce qui se passe? Car je porte drapeau, je pose pour mon porte-parole de l'Ouest. Faut quadriller le terrain, va pas quoi. On va lâcher du lest car les lâches ça. Quand il bat mon flow, pris d'une sape, Chaka à la fois ça. On nous imprégne dans le sol, le mec pas là pour faire juju. Je représente pour mes gens. Ici c'est son à gogo pro jusqu'à finir. Gaga l'air moi prendre mon souffle. Oh, comment t'entends jusqu'à Chicago, pur brasilero. Je fais ce qu'il faut pour pas finir dans le caniveau. On n'est pas parti dans le caniveau parce qu'on veut aller en haut de l'affiche pour mener gros. Et ma clique est de Papdou et de jaune aussi. On est toujours un nouveau style ici. On est de l'ouest, certains attestent, certains attendent nos restes. Mais gars, tu peux pas tester, pas de concept que ni de certains qui contestent. On est toujours là, un, deux, trois test. J'ai testé le micro, c'est pour ça que je peux m'élancer. Estival le radio, on vient s'élancer. Tu sais ce que c'est, on est tout toujours placé. C'est pour eux, la Bretagne et Perros, on est là. Ok, on vient ambiancer, c'est pour nos gars, son nouveau jour. Ceux qui sont là, avec une tête sous abat-jour. On est là, la lumière qui nous franchira dans les pénombres. Et ceux qui tomberont, seront pas de nos nombres. Si tu veux, on est la somme, tu connaîtras alors le reste. On est là à prendre tout ce qui ira sur nos assiettes. Et si tu veux savoir, le beurre aura qu'à fondre comme dit Deep. On mettra la main dessus, écoute-moi, c'est le son d'Inès. Et on fait bouger les tests. Si tu veux savoir, on viendra faire bouger vos têtes ici dans nos NES. On est là avec nos têtes perplexes. Mais écoute-nous, c'est pas sans complexe. L'enfant mineur, c'est pas de haine du sensé. Prétendant pas être la main du berger. Pas de face cachée, juste nos faces sur face. Beste à les boules, c'est que notre groupe pue la vérité. Estival Radio 107.4. Toujours là. Eh ben les gars, bravo. Bon, applaudissements dans le studio. Vous pouvez vous merci. Eh mais c'était excellent. Ils nous ont fait, alors dans l'ordre, les auditeurs ont pu entendre comme des adultes. Estival. Puissance Millennium. Avec la puissance Millennium. Et il y a également Encre. Donc c'était le, la suite c'était comme Encre des adultes et il y avait Terrain Vague. Non, la suite c'était en fait. C'était un impro. Improvisation totale. Et freestyle. On a bien aimé hein, le son estival comme ça, ça donne tout de suite, ça donne bien. Bon, on va vous voir quand même en concert. Vous allez vous produire sur scène. Ouais, voilà. Et ça tombe bien, c'est pas très loin d'ici. Alors ça se passe où, ça se passe comment, comment faut faire et combien alors, ça coûte? Alors combien ça coûte? Non, ça coûte rien du voilà. tout. Ah non, il faut pas parler de prix. Non, c'est le 12 juillet. Alors plus tard. Voilà, plus tard quand on sera. Vous viendrez nous voir, vous vous déplacerez jusqu'à Paris, tout ça, non. Ah bah, dans le faut viser haut. Ouais, faut viser haut. Donc c'est jeudi qui arrive là, jeudi soir. Voilà. Ah, faut pas rater. C'est clair. Vous avez tous intérêt d'être là. Jeudi soir. Et sur la plage de Trestra où ? En creux mineur, la plus grande scène du monde. Une plage comme ça, c'est énorme. Ouais, non mais c'est clair c'est là. C'est pas Copacabana, c'est pas loin. Ouais, mais Copacabana, c'est juste derrière, tu vois. J'ai bon, vu. Il manque juste quelques filles qui se baladent dans maillot de bain comme à Copacabana, mais on c'est pas trouvera. Grave. On les trouvera. Avec. Parce qu'à mon avis, elles ont entendu là, elles vont venir. Ah ouais bah, venez, ah bah, mademoiselle, venez. Ça se passe jeudi. Ça se passe jeudi, voilà. Où et bah, ce qu'on a envie de dire, ouais. C'est on invite tout le monde à venir. Ça va être, il va y avoir beaucoup d'inédits en fait, spécialement pour Pérouse. Et comme on voulait remercier un petit peu tous ceux qui nous suivent, et comme il y a beaucoup de gens. Et donc voilà. Que et du cadeau. Et ben, ça fait bien plaisir. Et puis on vous dit à jeudi. Merci en tout cas d'être venu comme ça en live. L'exercice était vraiment pas facile et vous en êtes tiré à merveille. Il y a eu quelques petits bugs, mais c'est normal. C'est là où on voit que vous décrochez pas, vous êtes dans le truc. Parce que combien on en a vu ici au micro qui se sont un peu reculés parce qu'ils n'arrivaient plus trop à avancer. Vous êtes rattrapés et de main de maître, je peux le dire. Alors, félicitations. Ouais. Et on verra tout ça sur scène jeudi. Ça marche. Merci à vous en tout cas. Venez, hein, l'équipe merci et tout ça, venez nous voir. On sera là. Bon, bah, ça marche. Ah ouais. Bah, on vous remercie tout pour l'invitation, ça fait plaisir. Et puis on salue également les web auditeurs qui vous ont pu vous écouter sur le www.station-millennium.com également. Ouais, on vous a pas oublié. Merci à vous. Faut penser merci à tous nos auditeurs, merci. Pense à tout le monde. Ciao. Pour la suite du programme, vous allez retrouver d'ici peu le TVScope. Le journal également le rappelle, c'est important de le faire. Hein. Aléna, quand même. Toi, tu veux faire le journal, je te sens bien, mais on va passer une petite page musicale. On tu va retrouver les Magic System et on fait un petit point sur le rappel des news insolites, effectivement, qui sont passées aujourd'hui. Il y aura Léna qui vous parlera également télé, il y a pas mal de choses à venir. Et c'est Estival que vous écoutez 107.4. Tous les jours, entre 10h30 et 12h30, joue au Sun Game et gagne 4 douzaines d'huîtres. 4 douzaines d'huîtres. Oui, tu as bien entendu, près de 58 gratos. Gratos. Tu t'en lèches les babines d'avance. Coup d'estival entre 10h30 et 12h30. Elle est with me. 0006. Mon frère, si tu n'as pas d'unité, bip-moi. Remix. C'était Magic System avec ses chauds, ça brûle. Et donc, que va-t-on retrouver maintenant? Et je me suis laissé entendre dire que c'était le rappel des news sur l'antenne. Et bah on y va alors. Les news, c'est important. Surtout quand elles sont insolites. Oula. Et ça, on aime bien les news insolites sur l'antenne. Alors, c'est parti, c'est le journal de la rédaction. C'est le journal. Le journal. Le journal d'Estival. Journal d'Estival. Voilà, au sommaire, nous avons en Australie un garçon dont le nom de famille est Elle, qui signifie enfer, s'est vu refuser son inscription dans une école catholique australienne de Melbourne au prétexte que son nom allait poser problème lors de ses enseignements religieux. En Suisse, Louis Palmer projette d'accomplir un tour du monde de plus de 50 000 km au volant d'une voiture alimentée exclusivement par l'énergie solaire. Il peut rouler 100 km par jour grâce aux panneaux solaires d'une surface totale de 6 mètres carrés. Eh bien, c'est important pour l'écologie tout ça. Et dans la suite, nous attaquons avec les programmes estivales qui apparemment c'est du sport, mais pas que du sport. Nous avons quoi, Thomas? Aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors cet après-midi, ça a commencé à 14h avec une initiation au volet à Trestraou, suivie de donc une initiation pendant une heure, suivie du tournoi de volet de 15h à 17h. Pendant ce temps-là, à Trestriniel, il y a l'initiation Ultimate, donc c'est du frisbee, bien sûr. Ouais, d'accord. Et donc pendant une heure, pareil, et de 15h à 17h, tournoi Ultimate, toujours à Trestriniel. Ouais. Fabrication d'un semainier aussi de 15h à 17h. Il y a aussi Destination Bien-être, qu'il ne faut pas oublier, bien sûr. Absolument, la promotion et... santé sur l'antenne. Ouais, tout à fait. Et donc cet après-midi, c'est animation dédiée aux tresses, donc à Trestriniel. Voilà, et puis pour la soirée, ça commence par la découverte catamaran de 17h à 19h. Ensuite, il y a l'initiation badminton à Carabram de 18h à 20h, suivi du tournoi de 20h à 23h. D'accord, et je me suis laissé entendre dire que le tournoi de volley à Trestraou, ça allait tout déménager cet après-midi. Ah oui, ça c'est fort possible, faut venir nombreux. Hein. Ouais, exactement. La suite du programme avec Sean Paul, We Be Burning, on se retrouve également avec Léna. Alors tu vas nous parler TVScope, parce que tu suis la télé. Oui, c'est ça. On a atteint, c'est un truc énorme ça. On a atteint le sommet de la télé-réalité, puisque je vous ai dégoté un jeu de télé réalité sur Énergie 12. Hein. Et ça promet. D'accord, on en parle après ça. Estival, Estival, puissance Millennium. Just give me the G's and we be clubbing, y'all. Clubbing, y'all. Y'all make me please and we be tugging now. Tugging now. Sipping Hennessy and we be bubbling, y'all. Bubbling, y'all. Set to minor T's, we gotta take it slow. So in the city, yes, be floating, though provoking. Call the girls where we're poking, got to smoking. Best thing for the recreation, to get the best girls in every nation. Top of girls, we're promoting and supporting. And them lover, we're floating, hear them shouting. First class ticket invitation, girl from New York, England and Jamaica. Every day, we be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning, cause we mind it from we pay. More than gold and oil and diamonds, girls, we need them every day. Recognize it, we pimping as we riding. Girl, them a page me, want to raise me to me, writing up tune and drive them crazy. Well, I'm on a two-born Jamaican, ready for the girl, them in every situation. We are the girl, them proud, they know we flow with the lyrical content that make them the flow. And make the club keep jumping, turn up the bass when you hear this pumping. Summertime bounce to the music, people choose it. Sound up, the girl, I cruise it, well, refute it. Cause we are the girl, them champion, got none of them like the great King Solomon. Many girls on my eyesight, sexy dress type, and I'm ready for your heart, not just give me the light. And make we blaze it, the roof, we are fearing. And we be bubbling, y'all. Bubbling, y'all. Set to minor T's, we gotta take it slow. So in the city, yes, be floating, don't provoke him. Cause the girls where we poking, got to smoking. Best thing for the recreation, we get the best girls in every nation. Some of girls we promoting and supporting. And them lover we floating, hear them shouting. For First class ticket invitation, girl from New York, England and Jamaica. Every day we be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning, cause we mind if we pay. More than gold and oil and diamonds, girls, we need them every day. Recognize it, pimping as we riding again. We be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning, cause we mind if we pay. More than gold and oil and diamonds, girls, we need them every day. Recognize. Sippin' Hennessy and we be bubbling, yo, bubbling, yo. Set to mind the teas, we gotta take it slow. Tu aimes les huîtres? J'adore! Tous les jours, entre 10h30 et 12h30, joue au Sun Game et gagne 4 douzaines d'huîtres. 4 douzaines d'huîtres. Oui, tu as bien entendu. Près de 58 gratos. Gratos. Tu t'en lèches les babines d'avance. Coup estival entre 10h30 et 12h30. Effectivement, vous aimez les huîtres? Eh bien, il va falloir en profiter sur l'antenne car on vous fait gagner 4 fois 12 huîtres. Ce qui fait, Léna? 48 huîtres. Près de 50 huîtres. C'est magique et on vous les fait gagner pour le Sun Game à venir sur l'antenne. Le Sun Game, le jeu à ne pas rater puisque quand même des huîtres. Je sais que Léna s'en lèche les babines aussi hein, parce qu'elle aime bien les huîtres. J'adore ça. Mais il y a un petit hic à la radio. Est-ce qu'on peut faire la révélation quand même pour Léna? C'est que tu es un petit peu... allergique aux huîtres. Aussi... carrément. Non, je suis allergique aux huîtres, donc impossible pour moi d'en manger, donc je donne ma part. Voilà, c'est pour ça qu'on a autant d'huîtres à vous faire gagner. Elle donne sa part, c'est merveilleux. On va retrouver le TV-scope. TV-scope, c'est... Fallait pas le dire? C'était un secret? Non, c'est un secret. Fallait pas le dire. Donc voilà, j'ai fait une petite dédicace à ma maman qui m'a dit que... qui m'a rappelé ce matin que j'étais allergique aux huîtres. Surtout. Donc s'il voilà. S'il t'en propose, ce méchant animateur... Tu ne n'en manges pas. Il va essayer. Parce qu'il veut voir ce que ça fait. Donc voilà. Le TV-scope, c'est excellent. On parle d'une nouvelle émission de télé-réalité. C'est maintenant dans la radio. Le TV-scope. Toute l'actu de la télé, enfin à la radio. Enfin. Donc je vous ai trouvé un jeu qui est pas mal, ça s'appelle Hétéro mais pas trop. Ah bah, le titre hein. C'est sympa, donc le principe, le jeu se passe dans un ranch de l'ouest des États-Unis. Donc Jackie, une jeune étudiante en mal d'amour, espère trouver l'homme de sa vie parmi 14 séduisants garçons. Non. Donc à première vue, la tâche, elle est pas trop difficile. Bah non, ils sont combien? 14 en plus. Bah énorme. Surtout qu'il y a 1 million de dollars à la clé. 1 million de dollars, voilà. Baby. Mais bon... ça peut pas être si facile que ça, donc il y a un petit hic. Et donc, au fil en fait, du jeu, elle va découvrir qu'une partie de ses candidats sont homosexuels. Non. Eh bah ouais. Mais donc, combien sur les 14? Il y en a 13. Mais c'est la majorité, on peut voilà. dire. Il y en et a en fait, qu'un seul d'hétéro. Voilà, elle doit retrouver le seul hétéro. Donc à la fin, parce que vous voulez peut-être savoir la fin quand même du jeu. Est-ce qu'on écoute la bande-annonce et tu nous expliques la fin? D'accord, après? D'accord, vas-y, c'est allez. Parti. Cette douce et innocente jeune fille du Middle West, oui, Jackie, s'apprête à rencontrer 14 garçons. Elle cherche le grand amour. Je cherche. Mais ce n'est pas le cas de tous ces hommes. Plusieurs d'entre eux sont gays. Je me rase les jambes, alors il est possible qu'elle me croie gay. Si vous faites un gâteau, il y a des gens qui peuvent vous accuser d'être gay. Je suis hétéro, ils sont tous gays sauf moi. C'est la plus grande folle que j'ai jamais vue. Si Jackie choisit un hétéro, ils gagneront chacun un demi-million de dollars. Wow. Mais si elle se laisse séduire par un gay, il remportera seul le million. Et elle repartira les mains vides. C'est du grand n'importe quoi. Alors, c'est excellent. Ça se passe comment? Alors, vu que le TV-scope, c'est pour que vous regardiez pas, donc on vous donne la fin. Donc en fait, c'était bah, sur une chaîne télé. Ça l'a repassé, ouais. Non, ça a commencé au mois d'avril. Ah, mais c'est en cours. Hein. Je pense que ça doit être vers la fin. Mais donc en fait, j'ai un peu farfouillé. Donc je sais déjà la fin, parce que je l'ai regardé en version américaine. Ouais. Parce que je suis bilingue. Alors, voilà. Et donc la fin, c'est « Elle a choisi le mauvais candidat ». Oh, oh. C'est ah, bah, en fait, lui, il est parti avec le million de dollars et elle est partie seule et que désargentée. Chi. Que chi. Que dalle. Donc, elle s'est plantée. Ouais, elle a choisi un homo. Mais t'as vu la fin ou... Ouais, j'ai vu la fin. Alors... C'est tragique. Elle s'en va en pleurant. Ah, elle s'en va en pleurant, d'accord. Ouais, c'est tragique, c'est marrant. Ah, c'est énorme, ça. Bon, bah voilà pour le TVscope. On joue au Sun Game d'ici quelques instants. C'est une charade pour vous faire gagner des huîtres. Et on vous le dit, hein, c'est près de 50. C'est tout à l'heure, après Mika, Relax, Take It Easy, et à la suite du programme... Estival, nouveau son, Summer 2007. Summer 2007. Ben c'est ça, tranquille. Estival, Estival, puissance Millennium, Club VIP. À l'instant, c'était Mika avec le titre Lena. Take easy. Tu me prends au dépourvu là. Ouais, c'est pas mal. Relax, take it easy. Nous allons attaquer la suite du programme avec Léna qui va nous tout simplement nous indiquer comment faire pour gagner ceci. Tu aimes les huîtres? Oui. Tous les jours, entre 10h30 et 12h30, joue au Sun Game et gagne 4 douzaines d'huîtres. 4 douzaines d'huîtres. Oui, tu as bien entendu, près de 58 gratos. Gratos. Tu t'en lèches les babines d'avance? Coup d'estival entre 10h30 et 12h30. Le Sun Game. Sun Game. Et des cadeaux plein ta radio. Et ben on y va, c'est parti. Alors, la charade du jour. Alors, il faut trouver la charade. Si vous trouvez la charade, vous envoyez un texto 0622 69 18 19. 0622 69 18 19. C'est parti. La charade. Alors, mon premier est un métal précieux. D'accord. Mon second désigne l'allure de la tortue. Mon troisième est la première note de la gamme. Mon quatrième est le nom de la fée bleue dans un dessin animé qui s'appelle les Winx Club. Eh ben bon courage. Non mais ça, il faut avoir une petite fille à côté de soi, ça doit connaître. Ouais, ça aide vachement. Alors mon tout est un auteur d'une trilogie, un acteur d'une trilogie de pirates. On peut répéter la charade tout de même une dernière fois. Alors mon premier est un métal précieux. D'accord. Mon second désigne l'allure de la tortue. D'accord. Mon troisième est la première note de la gamme. Et mon quatrième est le nom de la fée bleue dans le dessin animé des Winx Club. Winx Club. D'accord. Mon tout est un acteur d'une trilogie de pirates. Si vous avez la bonne réponse, vous pouvez jouer au Sun Game. Le Sun Game. Sun Game. Des cadeaux plein ta radio. Gagner plein de cadeaux. Et des huîtres aujourd'hui. Les huîtres, 48 huîtres. Donc il faut envoyer un SMS au 0622 69 18 19. C'est le premier SMS qui arrive, qui a la bonne réponse, qui remporte effectivement les 48 huîtres. Pour tu l'as bien dit. Non mais à la fin de l'été, 48 huîtres, voilà. C'est parti. Tu veux suivre Estival en permanence? Ouais. C'est simple. Estivales.fm.free.fr. Estivales.fm.free.fr. Alors, let's go sur le web. Pour la musique, c'est Black Runner avec This Party Started. How long can you go? Everybody, we've got the power to make the clubs move all around the world. Check this out. Everybody! Hey guy, hi, what's on your mind? Are you ready to catch that time? Crow on the floor becomes crazy. No panic, it's only one party. Rugged house on the beat, it's all. There's a promise, I'll keep control. Okay, I don't need much time. I'm free and upon in my mind. How long can you go? Everybody in the place. place to be. Are you ready to have some fun with us? Well then, VIP et la suite avec Léna, Jack dans la radio pour tout simplement continuer cette émission qui approche de la fin quand même, là on peut le dire. Hein. Si vous nous écoutez sur le web, vous êtes passé sur le serveur Estival FM. C'est-à-dire, j'ai cru comprendre qu'il y avait des petits problèmes techniques actuellement. Mais notre technicien est parti sur le web, sur la toile, pour remettre tout ça en place. Nous avons qu'est-ce qui nous reste dans cette grande émission, quel club VIP ? Léna. Grande question. Tu n'as pas le sommaire. Nous avons fait le lancement vacancier. C'est vrai. Ouais, tout à fait. Donc, explication de cette chronique. Alors, je prends un vacancier si on l'arrive de 13 travaux et je le lance pour voir quel est le plus grand bond qu'il fera. Non, je rigole. Je vais tout simplement leur faire annoncer des titres de chansons. Ah, c'est ça. En fait, voilà. C'est une espèce de casting pour avoir l'animateur de cet été. C'est un ça. Peu ça, non ? Ouais, c'est ça. Et puis, à la fin de l'été, on aura le meilleur avec nous. Ouais. Dans toute une émission. Carrément. Si, il est toujours en vacances. Ouais, d'accord, je vois le truc. Bah ouais. Non, mais c'est très bien ça. C'est amusant de faire ça. Mm-hmm. T'en as lancé combien pour l'instant sur l'antenne ? Je ne sais plus. C'est complètement débordant. Allez, celui-là, on va pas mettre la chanson en entier puisqu'on l'a passé, me semble-t-il, il y a 2 heures. Et comme on n'aime pas trop faire de repeat sur l'antenne, on va vous passer le début pour voir s'il se débrouille bien. Ça marche ? Ça marche. Donc je ne sais pas son prénom, mais en tout cas il va lancer une chanson que nous aimons bien, qui est alors je regarde bien la chanson, c'est Mehdi Cousteau. Tu connais Mehdi Cousteau? Ah, c'est Frangeux. Ouais, c'est ça. Alors où te caches-tu, Mehdi Cousteau? Voilà, il est là. On écoute. Il me semble que c'est Thomas qui l'annonce. Bonjour, c'est Thomas. Retrouvez Mehdi Cousteau avec Frangeux sur Estival. Ouais, ça le fait. Hein. Petit commentaire du lancement là. Je dis très lover. Ça va avec la musique. Bon, ça va, bon, on vous la repasse parce qu'on aime bien. Je t'aime, si tu doutes des larmes que j'éponge, avant de t'avouer les poèmes que je t'écris, tes profondeurs de mes larmes deviennent crise depuis les flots de mon âme. Soumets-moi au détecteur de mensonges, découvre-moi la peur de te perdre. Chaque fois que ce renégat s'arrange, pour que tu aies le sourire aux lèvres, il fait la pluie et le beau temps dans ta tête. Mais quel que soit le prix qu'il paiera, je suis prêt à surenchérir. J'ai du cash dans mon cœur, j'ai des patchs pour la douleur, j'ai des liasses de fleurs, je suis prêt à surenchérir. Auprès de toi dans mes songes, pour ajouter des lignes aux poèmes que je t'écris, des profondeurs de mes larmes devenues grises depuis les flots de mon âme. J'ai des caches dans mon cœur, j'ai des patchs pour la douleur, j'ai des liasses de fleurs, je suis prêt à surenchérir. J'ai des patchs pour la douleur, j'ai des liasses de fleurs, moi au détecteur de mensonges. Si tu ne crois pas à mes je t'aime, si tu doutes des larmes que j'éponge avant de t'avouer les poèmes. Mais je t'aime. Estival, Estival, puissance Millennium. Estival, Estival, puissance Millennium, Club VIP. Oui, c'est le Club VIP et c'est sur le 107.4 et également sur le serveur estivalfm.free.fr et puis sur le site station-millennium.com. Et la suite du programme, quand même, on va voir qui c'est qui a remporté les huîtres aujourd'hui. Puisque nous avons eu deux gagnants, deux c'est gagnants. Exceptionnel. Hein. Ouais. On fera qu'une fois dans l'été, parce que vous avez été très rapide et. Sans arriver en même temps. On n'arrive pas à les partager. Sans arriver dans la même minute et dans la même seconde, donc yes. On n'a pas pu. Déterminer qui c'est qui était arrivé en premier. Voilà. Puis on va pas non plus. Incriminer les opérateurs qui des fois sont un peu plus lents sur certains services. Il y a eu pas mal de mauvaises réponses, faut le dire, dans le jeu. Donc, ma charade n'était pas bien. Non mais. Évidemment, elle était claire. Hein. Évidemment. Allez, on va voir qui a gagné. On les rappelle en direct. Vous allez voir, le deuxième numéro, ça va être plus lent pour composer. C'est Léna qui va faire. Il cartonne. Alors. Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est la radio estivale. Oui. Et vous venez de remporter Mademoiselle 48 huîtres. Super. Alors, ça fait quoi? Ça fait un bon repas en perspective. Ça fait 4 douzaines à venir chercher dans une super poissonnerie de Péros Grec en face de l'église. Hein, c'est nos partenaires de cet été. Et vous aimez bien vous appelez comment? Chloé, félicitations. Tu aimes bien les huîtres? Oui. Oui, tu en manges régulièrement? Malheureusement, non. Tu fais quoi de beau sur Péros Grec? Je travaille. Ah, c'est bien, il faut. Et il faut profiter également de la chance du soleil et d'aller déguster des huîtres en direct. On te félicite. Merci. Et on t'explique d'ici peu comment aller les retirer, tout simplement. Merci, bravo en tout cas. Félicitations. Super, merci. Ciao. Salut. Deuxième vainqueur, je vais laisser Léna en direct comme ça composer le numéro pour savoir si le deuxième vainqueur va nous donner la bonne réponse en direct parce que c'est vrai que Chloé l'avait. On va voir si le dernier vainqueur de la journée réussit à nous donner la bonne réponse tout simplement. C'est du direct, hein. Léna compose de ses petites mains agiles le numéro de téléphone du vainqueur de ce Sun Game. Je rappelle également en aparté que demain on sauvera NZH, le groupe Princesse, le groupe qui chante Princesse. Et à cette occasion, nous vous ferons gagner des singles. Ça sonne ? Ouais, ça sonne. Voilà, d'accord. Haut-parleur, parfait. Alors, c'est pour le Sun Game et c'est un gagnant. Oui. Oui, allô ? Oui, bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment ? Maxime, est-ce que tu peux nous donner la bonne réponse à la question de Léna ? Oui, d'accord. C'est Orlando Bloom. Ouais, Maxime ! Wouhou ! Voilà, toi-même, Maxime, tu savais dans la radio. Et ce qui te permet de remporter 48 huîtres. Tu aimes bien les huîtres ? Oui, j'adore. Tu as quel âge ? J'ai 12 ans. 12 ans ? Waouh! Alors là, tu vas te régaler parce que 48 à toi tout seul, tu vas pas les manger tout seul? Bah non, je vais les manger avec mon papa. Oh, c'est gentil! Qui s'appelle comment de son prénom? Wilmart. Comment? Wilmart. Wilmart, d'accord. Eh ben, tu le salueras de notre part et puis toute la production ici te félicite. Tu as été un brillant candidat. Toi et Chloé, aujourd'hui, vous avez été deux seulement à donner la bonne réponse. Tu connaissais le nom de la fée, peut-être. C'est ça qui t'a donné la bonne énigme. On fera un rappel hein, sur les bonnes réponses. En tout cas, félicitations. Merci. Bon après-midi. Bonne soirée. Continue à nous écouter sur le 107.4. Oui. Et tu es infidèle. Oui. Bon, c'est bien alors. Pas infidèle, infidèle, c'est important. Très bien. Bah, félicitations encore et ciao. Et on te réexplique comment venir chercher tout ça. Bye bye. Bye bye. Salut. Donc Léna, ainsi s'achève cette émission du Club VIP. Ouais. On a fait plaisir comme ça, ça fait toujours du bien sur l'antenne. Demain, on vous fait gagner encore des huîtres parce qu'on en a plein. Mais où est-ce qu'on les trouve ? Dans la mer. C'est Léna qui va les pêcher et c'est pour ça qu'on en a une garnison, pléthore, j'allais dire. Pléthore. Oui, il faut savoir sortir ces mots-là au bon moment. Voilà, ainsi s'achève cette émission. Ciao, bye bye, on se dit à demain. De on même. Est un peu débordé là pour le show. C'est ciao. Vrai. Ciao. Salut.